On sent soudain son cœur plein de désir. Un grand besoin de vivre vous pénètre. Et brusquement on dit il faut partir. On prend le train, l'auto, la trottinette. Et l'on s'en va dans le printemps vermeil. Car dans la vie comme dans notre opérette, nous cherchons tous le pays du soleil. Marseille, mes amours, mon vieux port, mon prado, ma canebière, mon beau pays, vers toi vite j'accours, les yeux pleins de lumière. Vous y viendrez un jour, vous verrez notre ciel qui est merveille, vous aimerez Marseille toujours, Marseille, mes amours. On a compté sur toi tant de sottises, qu'à les entendre j'en rougissais parfois. Mauvais garçon et pauvre bêtise, on court Saint-Louis, les gants serrés et rois. Ça n'est pas vrai, les enfants de Marseille ont tous du cœur s'ils parlent un peu beaucoup. Mais de tous ceux qui font rougir leurs vieilles, lisez le nom, il n'est pas de chez nous. Marseille, mes amours, mon vieux port, mon prado, ma canebière, mon beau pays, vers toi, vite j'accours, toute heureuse et si fière, d'y avoir vu le jour. Nous chantons notre orgueil, notre chance, aux quatre coins de France, toujours, Marseille, mes amours. D'y avoir vu le jour, nous chantons notre orgueil, notre chance, aux quatre coins de France, tout Marseille, mais...